la PSVALD, ZP, le PA, ouais. NAPSVALD, ZP, c'est pas la PH. J'sais pas pourquoi elle a stressé, elle a calé au PH. Le shit, la drogue, la buvette, les filles, c'est pas un bon mélange. Et j'ai toujours une bonne excuse pour me faire un gros mélange. J'ai pas la tête pour ça. J'écoute des accords, mais j'suis déprimé, je dessous pas. Aujourd'hui, j'ai bu tout seul, j'ai même parlé tout seul. Je suis vénère tout seul, alors j'suis pas tout seul. Tu tapes les mauvais pas. Tu fais tout.